J'ai cru en l'amour, mais il n'existe plus. Tout est politique de ma peau, de mes os. Sans religion, aujourd'hui tout est différent, mon amour. Je sors de la marge, je suis pas les autres. Le monde est devenu étouffant, sans intérêt exigeant. On ne se reconnaît plus, on nage mal dans les eaux trous, trop de vases, tout est trop. Tout est vite, tout est trop, trop de tout, trop de vide. Assoiffé de bien, qui engendre d'autres biens. Et au final du vide, de la solitude. Et toujours un instant, j'ai cru. Un moment, mais l'humain est perdu. L'humain est perdu. Et l'humain est mort.